الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد نستقبل غدا إن شاء الله تعالى يوما عظيما من أيام الله الفاضلة أهلك الله العزيز فيه فرعون أشد أهل الأرض طغيانا وأعظمهم استكبارا الطاغية فرعون ومن معه من قومه وكل ذلكم يا عباد الله في لحظة واحدة وفي هذا عبرة للمعتبرين عبرة عجيبة وآية عظيمة وهذه نعمة كبرى أنجى الله عز وجل الرحيم نبيه وكليمه موسى عليه السلام ومن معه وأغرق فرعون ومن معه فصام موسى عليه السلام يوم عاشورا وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر الجزيل لمن صامه فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم طاسين ميم تلك آيات الله المبين أو تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهل شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بلغ طغيان فرعون وعناده أن قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري وقال ذلكم الطاغية الملحد وما رب العالمين وقال أيضا أنا ربكم الأعلى وقال لرسول الله وكليمه موسى عليه السلام فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلن لك من المسجونين إلى غير ذلك من الكلمات الباطلة الكفرية المليئة بالإلحاد ولما أراد الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هلاك هذا الطاغية ونجاة رسوله موسى عليه السلام والمؤمنين أذن لنبيه أن يسري بعباد الله المؤمنين فخرجوا ليلا قبل البحر الأحمر وعلم فرعون بخروجهم فجمع جنوده وقومه من كل مكان ولما اجتمعوا انطلقوا على إثرهم قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي البحر أمامهم فإن دخلوا غرقوا والعدو خلفهم فإن وقفوا قتلوا فأين المفر؟ قال موسى عليه السلام: الواثق بالله رب العالمين المتوكل على الله، كلا إن معي ربي سيهدين. تأمل هذا التوكل العظيم على الله جل وعلا، والثقة التامة بالله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم جاء الفرج بعد الشدة والابتلاء، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الجبال العظيمة، الله أكبر، هذه آية باهرة، آية عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى وتفرده جل وعلا. وكان الأرض البحر يبسا، فدخل موسى عليه السلام وقومه، فلما خرجوا جميعا وأتبعه فرعون وقومه، ولما تكاملوا داخلين البحر أغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعا، فهلك فرعون ومن معه كنفس واحدة بما كان يفتخر به، حيث كان يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. فقال الله سبحانه وتعالى: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إنها والله آية عظيمة عجيبة، وقعت في يوم الحاشر من شهر الله المحرم، فصام موسى شكرا لله عز وجل على النجاة وعلى إهلاك فرعون وعلى هلاك فرعون، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، demain إن شاء الله تعالى sera un grand jour. Parmi les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a anéanti un de ses pires ennemis et ennemis des prophètes et messagers, celui qui a semé le désordre sur la terre d'Allah azza wa jal, opprimé ses serviteurs et prétendu être la divinité digne d'être adorée. Ce dernier, bien évidemment, Fir'aoun, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Ashura, le dixième jour du mois de Muharram, a anéanti ce prétentieux tyran, despote et injuste, ainsi que ceux qui l'ont suivi dans son égarement. Dans ce jour, Allah azza wa jal a donc sauvé Moussa alayhi salam, ainsi que les croyants ayant cru en lui et l'ayant suivi. À titre de reconnaissance devant cette grande faveur et cette grande grâce de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, Moussa alayhi salam a jeûné ce jour. Et les gens du livre l'ont également, ou des gens du livre l'ont également jeûné. Ainsi, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam est arrivé à Al-Madinah, il a trouvé que les juifs jeûnaient le dixième jour du mois de Muharram. Il leur a donc demandé: pourquoi jeûnez-vous ce jour? Ils ont répondu: c'est un grand jour. C'est le jour dans lequel Allah a sauvé Moussa et a noyé Fir'aoun. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sommes plus à même de nous réclamer de Moussa. Il a donc jeûné ce jour et ordonné aux croyants de le jeûner également. Par la suite, lorsque le mois de Ramadan, ou le jeûne du mois de Ramadan fut légiféré et son jeûne rendu obligatoire, le jeûne du jour de Ashura a été, ou l'obligation du jeûne de Ashura a été abrogée et rendue recommandée. Et le dixième jour du mois de Muharram sera, incha'Allah ta'ala, demain. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux passages du Coran, nous a mentionné les égarements de Pharaon ainsi que ses injustices. Dans Sourate Al-Qasas, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens de ces versets, Tasin Mim, voici les versets du livre explicite. Nous te racontons toute vérité de l'histoire de Moussa et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils. Imaginez-vous cela. Il égorgeait et faisait égorger tous les nouveau-nés parmi les garçons de Banu Israël, car il avait entendu, car il lui était parvenu qu'un de leurs fils allait causer la perte de sa royauté et laisser vivantes les filles, et il les chargeait de lourdes tâches extrêmement pénibles. La suite, il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Voici ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Qasas pour nous parler de cet injuste Pharaon. Dans d'autres passages du Coran, il y a également la mention des injustices de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne de ses paroles. À titre d'exemple, je n'ai pas connu pour vous d'autres divinités en dehors de moi. Pharaon a ordonné à son peuple de le prendre pour divinité. Parmi ses paroles, Wama Rabbul Alamin, lorsque Moussa alayhi salam l'a invité à adorer Allah seul d'un culte sincère, il lui a répondu, et qu'est-ce que cela, le Seigneur des mondes? Parmi ses paroles, je suis le Seigneur le plus haut. Il a également insulté le messager d'Allah et son bien-aimé, celui qui, à qui il a parlé de vive voix, en lui disant, je pense très certainement, ô Moussa, que tu es possédé. Il lui a également dit, si tu adores autre divinité en dehors de moi, tu seras emprisonné. Et beaucoup d'autres paroles témoignant de son injustice et de sa transgression. Mais Allah Azza wa Jal ne laisse jamais perdurer l'injustice ni les injustes. Il les laisse pour un temps et un terme déterminé, pour se saisir d'eux et en faire un signe pour ceux qui tirent des leçons. Allah Azza wa Jal a permis à Moussa alayhi salam de sortir de nuit avec son peuple. Ils se sont donc dirigés vers la mer Rouge. Mais lorsque Pharaon a eu vent de cela, il a réuni son armée de toute contrée du pays. Après avoir unifié ses rangs, ils se sont lancés sur les traces de Moussa et les ont atteints au bord de la mer Rouge. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne de manière détaillée ce passage dans Sourate Ash-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans son noble livre qu'il a révélé à Moussa de partir de nuit avec ses serviteurs et l'a informé qu'ils seront poursuivis. Quelle fut la finalité de cette affaire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque les deux groupes se sont réunis, se sont trouvés face à face, nez à nez, c'est-à-dire que Moussa alayhi salam est arrivé au bord de la mer. Devant lui, il y avait la mer et derrière lui, Pharaon et son armée. Quelle fut la parole de Banu Israël? Qalu inna la mudrakun. Ils ont dit, nous sommes cernés, C'est-à-dire que devant nous, il y a la mer, si nous y entrons, nous mourrons noyés. Et derrière nous, il y a Pharaon, et si nous restons ici, nous mourrons assassinés. Mais Moussa, alayhi salam, celui qui a abandonné son affaire à Allah, celui qui avait pleinement confiance en son Seigneur et sa promesse, a dit qu'Allah, inna ma'ya rabbi sayahdi. Mais non, il y a avec moi mon Seigneur, et c'est lui qui me guidera. Et c'est lui qui me guidera. Il n'a pas désespéré du secours d'Allah. Il a eu la ferme certitude en sa promesse. Et comme Allah nous le dit dans le Coran, alaysa Allahu bikafin 'abdah. N'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur? Allah nous dit également, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Et c'est ainsi qu'est arrivé le secours d'Allah Azza wa Jal après l'épreuve. Allah Azza wa Jal a ordonné à Moussa alayhi salam de taper de son bâton la mer. Que s'est-il passé? Un grand signe d'Allah. La mer s'est soulevée, telle des montagnes enracinées, et a frayé 12 chemins à Banu Israël pour 12 tribus. Ils sont entrés en mer, l'ont traversée, et Pharaon et sa troupe, et ses troupes les ont suivis. Une fois que Moussa alayhi salam sortit de la mer, ainsi que l'ensemble de ses suiveurs, et que Pharaon ainsi que l'ensemble de ses suiveurs se sont retrouvés à l'intérieur de la mer, Allah tabaraka wa ta'ala les a tous noyés, et ils sont tous morts comme une seule et même âme. C'est ainsi qu'Allah azza wa jal a montré son pouvoir, a montré sa domination et son omnipotence sur cet injuste qu'était Pharaon et ses suiveurs. Il les a donc noyés et a sauvé Moussa alayhi salam et les croyants. Il y a en cela un grand signe de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il soit la seule divinité réellement digne d'être adorée. Il y a un grand signe de sa domination suprême, de son pouvoir et de son omnipotence. Il y a un grand signe dans cela qui est un avertissement à tout injuste, opprimant les peuples et les faibles croyants. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a anéanti avant eux Ad et Thamoud, a anéanti le peuple de Madian et beaucoup d'autres. Et la finalité de Pharaon est un avertissement à tous ceux qui oppriment les faibles minorités parmi les croyants, ceux qui ont foi en Allah Azza wa Jal et l'adorent seul d'un culte sincère. Allah Azza wa Jal a noyé Pharaon et son peuple et a sauvé Moussa alayhi salam et ses suiveurs. Il y a ici la puissance d'Allah Azza wa Jal ainsi que sa miséricorde pour les croyants. Sa puissance et sa force à humilier et anéantir les injustes, et sa miséricorde à sauver et avoir pitié des faibles croyants. À titre de reconnaissance, Moussa alayhi salam a jeûné ce jour. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné par la suite ainsi que les croyants. Demain sera le 10e jour du mois de Muharram. Il est donc recommandé de le jeûner. Le prophète alayhi salatu wa sallam a également dit « La in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'a. » Si je reste vivant jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai également le 9e jour, c'est-à-dire ce jour-là. Donc ce vendredi de ce mois de cette année et le 9e jour du mois de Muharram, c'est la sunna de le jeûner. Et demain sera le 10e, c'est la sunna de le jeûner. On peut également jeûner le 10e jour seul, mais c'est moins méritoire. On peut aussi jeûner le 10e jour avec le 11e. On peut également jeûner donc samedi et dimanche. Ce jour est donc un jour de reconnaissance. Mais sachez également qu'il y a eu en l'an 61 après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien après l'égire du prophète alayhi salatu wassalam, un triste événement. C'est l'assassinat et la mort du petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma. Il a été assassiné injustement. Il a été opprimé et est mort martyr. C'est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fils de sa fille Fatima radiallahu anha, la princesse des habitants du paradis. C'est le fils de Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam, et c'est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été éduqué sous ses yeux et qui a perdu son grand-père à l'âge de 6 ans et sa mère à l'âge de 6 ans et demi. Celui au sujet duquel le prophète alayhi salat wa sallam a dit qu'il fait partie des ou bien que c'est l'un des meilleurs jeunes du paradis. Lui et son frère Al-Hassan, les meilleurs jeunes du paradis. Mais ça n'est pas un jour qu'il faut prendre en jour de tristesse, ni un jour durant lequel il faut se mutiler et faire couler son sang, ou pleurer et se lamenter comme le font certaines fractions égarées, à l'image de Shia et de Rafida, ceux qui ont fait scission avec la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'égarer dans des abîmes et des sentiers pires les uns que les autres. Ni il faut mépriser les gens de la famille du prophète alayhi salatu wa sallam comme le font An-Nasiba, ni il faut exagérer à leur sujet comme le font Ar-Rafida. Mais il faut être sur le juste milieu, la voix des gens de la sunna. Il faut aimer les gens de la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. Il faut leur accorder une place particulière, les aimer, les considérer, invoquer Allah azza wa jal en leur faveur, les croyants parmi eux. Ainsi était la voix de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de l'ensemble des compagnons, puis des savants de l'islam et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Fallahumma arda ani sahabati ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا Il y a une femme du quartier qui se nomme Fatima qui est décédée فنسأل الله عز وجل يغفر لها وأن يرحمها Aussi je vous rappelle le projet de la construction de la mosquée, de la grande mosquée de Pantin. On encourage l'ensemble des croyants à dépenser afin que cette mosquée s'élève sincèrement à la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.